J'adore manger de la rillette. J'adore manger de la rillette. J'adore manger de la rillette avec Mimi sous la couette. J'adore manger du saucisson avec Tilou sous l'édredon. J'adore manger de la rillette avec Mimi sous la couette. J'adore manger de la rillette avec Mimi sous la couette. J'adore manger du saucisson avec Tilou sous l'édredon. J'adore manger de la rillette avec Mimi.